سهر ربي مبدا انا بركاني العالي من اللي توحداني غريب وبراني كندير انا فكرت بلادي وحيت النادي سهر ربي مبدا انا انا غني انا نطير كي الحمامة جيوم سلهوم بلدي قمرة شعالة انا فرح وانا غني انا نطير كي الحمامة غاي سوبريم مولي ديزر سو سكاي روك Entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, pensant. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vis, ils veulent donner des ordres avec les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on frappe pas les dieux râles. Dans les putains, on s'éternise avec des meufs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je mets une asba, après je m'en irai. Vivant, limpide, vont garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend à l'histoire. On s'en pétard, les clés qui entrent. Pour ceux qui quittent leur famille, on semble en rentrant en France. Pour les tiers là-bas, et se confier à ta l'infini. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni. Cette ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock.

réseaux. Et je suis en tour ouvert aux critiques, poteau. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. C'est la rage du système, gros. Regarde-moi,

sons du moment. C'est Skyrock.

دوبي اللي دازو كان غير كذوب حبك وحدو خلاني مجنون متوب You. recuerdos que llevo por dentro. Abrí de nuevo ese baúl de recuerdos. Rai Supreme. Deux heures, DJ Kaze, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Do

Je

Salut tout le monde, c'est DJ Kaiz. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Right now. can stop me. I'm all the way up. What you need? I'm all the way. Confiance en moi, et où vas-tu, ma belle?

DJ K sur Skyrock. Yeah. savent devant qui est cancer. Monde au Zoulou des sincères, tant qu'à faire. Monde un libéral qui se rincère. Légendaire, brigandeur, je suis tout ce que j'endure. En temps d'air, il porte un string dans mon flingue, je suis un joueur en dur. Suprême. Minuit, 2h sur Skyrock. Ils ont tous gagné 1500.